Les bas-fonds de Paris, tome 1, première partie, chapitre 8, la voix du sang. Vers 11 heures du matin, la sage-femme achevait de donner ses soins à Madame de Charmeuse. Le docteur s'en allait après avoir pris la température de la mère et de l'enfant. Les femmes de chambre 20 fois présentèrent le bébé à la jeune comtesse. La petite créature avait subi, avec de plaintifs vagissements, un deuxième changement de l'ange. Et nul ne s'était aperçu de la substitution. Seule, au premier abord, la sage-femme avait eu un léger mouvement de surprise, vite réprimé. Tant ces êtres fragiles, informes, ont de ressemblance, et gardent aux premières heures de la vie la même empreinte des matrices du néant. Adrienne demanda qu'on lui apportât sa fille une fois de plus. Elle voulait la revoir, se pénétrer d'elle, avant qu'on ne vînt la lui arracher, et un mystérieux étonnement emplit son cœur. Épouvantée, elle s'interrogea, est-ce qu'elle s'était trompée? Est-ce qu'elle n'aimait plus cet ange qu'elle adorait si éperdument avant sa venue au monde, cet ange qu'elle avait attendu comme la consolation suprême? Est-ce qu'elle serait mauvaise mère? Une sueur froide au front, elle colla ses lèvres aux yeux de l'enfant, cherchant à retrouver le sentiment de sa maternité. Ses baisers furent d'abord emportés, violents, pareils à des ordres qu'elle eût criés à sa conscience. Puis, malgré elle, ils devinrent plus calmes, presque indifférents, et enfin, terrifiée de ne rien sentir, épuisée, elle repoussa doucement sa petite, qui n'était plus sa Rose-Aimée. Elle éclata en sanglots. « Ô nature, que tu es puissante dans tes manifestations !» Et combien les supercheries sont vaines devant ta volonté immuable. Madame, appela la femme de chambre, monsieur le comte fait demander s'il peut entrer. Lui? Ah oui. Il venait chercher sa fille. Il amenait sans doute une nourrice. Il était pressé, cela se comprenait. Cet enfant, c'était la honte vivante, et chacun de ses vagissements devait lui crier son abjection d'homme vendu. Mais elle, n'était-elle pas plus misérable encore? Mère dénaturée, elle songeait, sans horreur, qu'on allait lui arracher le fruit de ses entrailles. Ah, Roger pouvait entrer, il pouvait l'emporter la frêle créature, à qui n'était assurée ni la bienveillante protection du mari, ni la tendresse de la femme. Elle ouvrit les yeux, le comte était devant elle. « Vous venez l'apprendre, » commença-t-elle d'une voix où il y avait pourtant une irritation contenue. « Eh bien faites, monsieur, vous le pouvez. Madame, » interrompit le comte, qui eut l'intuition du drame qui se passait dans son cœur. « Madame, je n'ai pu dormir de la nuit, et je viens vous apporter les réflexions de ma longue et solitaire insomnie. Trop heureux si je puis vous causer quelque joie. » Il parlait sur un ton ému qu'elle ne lui connaissait pas. Étonnée, elle l'interrogea du regard. Il allait et venait à petits pas, choisissant ses mots, évitant de rencontrer le regard de sa femme. « Hier, reprit-il, j'ai dû vous paraître brutal. Je me suis conduit durement vis-à-vis de vous. Je vous en demande pardon, madame. Ce que je réclamais, sous l'empire d'un sentiment dont je n'ai pu me rendre maître, était plus que cruel. C'était injuste. » Et révoltant. Rentré en moi-même, j'ai compris tout ce qu'il y aurait de lâche à vous séparer de votre fille. Elle le regardait, bouleversée. Mais ce comte de Charmeuse, cet homme taré, lui était donc supérieur en délicatesse? Il avait donc un noble cœur, puisqu'il renonçait à son droit absolu et consentait à garder chez lui l'enfant de l'autre? Déjà la veille, il avait montré une générosité inaccoutumée en recueillant une malheureuse inconnue, en la faisant soigner dans l'hôtel au lieu de la laisser transporter à l'hôpital. Et voilà, maintenant qu'à elle-même, il voulait lui éviter un chagrin qu'elle n'éprouvait même pas à sa honte. Oui, tandis que le comte avait passé la nuit à vaincre de légitimes répulsions, tandis qu'il se forçait à garder sous son toit cet enfant qui n'était pas sienne, elle, la mère, avait épuisé d'un seul coup son amour et sa douleur. Cela vous étonne, n'est-ce pas ? Continua Roger de Charmeuse. « Mon Dieu, que voulez-vous ? Peut-être ne suis-je pas tout à fait mauvais. Il y a parfois de bons mouvements dans mon cœur, oui, madame. Votre fille restera avec vous ? Je le veux. Vous savez que la loi me confère tous les droits, même celui de vous être agréable. » Honteuse, éperdue devant tant de bonté, elle balbutia, ne sachant ce qu'elle disait. « Oh, merci, merci, comte, je le vois enfin. Vous êtes meilleur que moi. Mais non, je vois les choses comme elles sont, simplement, dans notre situation. » Il se pencha à demi sur le berceau, esquissant un sourire et une caresse. « Elle est charmante, cette mignonne. Un peu pâlotte, pourtant. Il faudrait une bonne nourrice. Mais, à propos, j'y pense. » Une pauvre mère a été prise de douleur devant l'autel. « je sais, bégaya Adrienne, stupéfaite. Ah, vous êtes au courant ? » fit-il avec une feinte surprise. « Eh bien, j'ai fait interroger cette femme. Elle est sans ressources. Elle ne demandera pas mieux que de nourrir votre fille. La sage-femme la déclare très saine, bien constituée. Elle a l'air très honnête. Voulez-vous la prendre à votre service ?» Et sans attendre la réponse de la comtesse, il s'empressa d'ajouter « Ne me remerciez pas, je suis trop récompensé par le plaisir que j'éprouve en ce moment. » Quand il fut sorti, elle se redressa d'un mouvement brusque, presque farouche, plongea dans le berceau un regard chargé de doutes affreux et, suffoquée, retomba sur les oreillers en murmurant « Oh, je n'aime pas ma fille !» « Mauvaise mère, mauvaise mère ! Mon amour fut-il donc un crime ? Et suis-je maudite pour le fruit de cet amour ?» Chapitre 9. Racdal. Sans perdre une minute, le comte Roger de Charmeuse était monté dans son coupé de fumeur. Selon ses ordres, le cocher stoppa au parc Monceau. Un instant après, le comte sonnait lui-même à la porte du somptueux et féerique hôtel de Suzanne d'Amour. Madame n'était pas chez elle. Roger eut un geste d'impatience désappointé. « Oh, madame n'est pas loin !» fit le domestique en grande livrée à boutons d'or chiffrés et culotte de satin merveilleux. « Madame est sortie à pied pour faire un tour dans le parc. Si monsieur le comte veut se donner la peine d'entrer au salon. » Mais déjà, monsieur de Charmeuse s'était éloigné. Indécis, heureux et quelque peu troublé de son double triomphe sur sa femme et sur sa maîtresse, grisé par le clair soleil qui rutilait en cette splendide matinée de décembre, il fut tenté par la vue des jardins et s'engagea dans les allées à la recherche de son ami. Le parc, avec ses grands arbres dépouillés dont les branches s'enchevêtrant, véritables dentelles de fer forgées par l'hiver, se détachait en noir sur le ciel pâle, avec ses massifs dont la structure grêle, sans feuilles, apparaissait très délicate, perdait de son aspect officiel des jours d'été. Et n'eussent été les lourdes bâtisses dont le luxe moderne l'entourait, la propreté glaciale de ses allées, il aurait eu grand air dans cette laiteuse atmosphère hivernale, toute baignée de tons rosés. Des femmes passaient, languissantes, sous les imprévues caresses du soleil. Des voitures traversaient au pas la large route centrale, et des bandes d'enfants riches, engoncés dans des cols d'astrakhan, leurs mèches blondes s'échappant des bonnets russes en loutre, jouaient posément, sans enthousiasme. « Oh, la bonne surprise !» fit tout à coup la voix de Suzanne d'Amour. Le comte ne l'avait pas vue venir. Toute droite, svelte, dans une longue jaquette de coupe anglaise qui la moulait à ravir, sa radieuse beauté émergeant d'un splendide boa, elle s'avançait, légère et souriante, au-devant de Roger de Charmeuse, qui lui baisa galamment la main. « Vous me restez déjeuner, reprit-elle, je ne vous lâche pas, vous savez que je suis crampon quand je m'y mets. » Elle ajouta, en riant aux éclats, « Et puis, mon cher, je vous dois bien ça pour le mauvais tour que j'ai joué au père Bonnaire, et à vous par ricochet. Dites donc, comment a-t-il pris la chose ? Quel tour ? Je ne vous comprends pas. D'ailleurs, Bonheur, je ne le vois jamais, Dieu merci. « Comment ? Vous ne saviez pas que je lui ai payé mon loyer avec votre chèque ? Vous ne m'en voudrez pas trop, n'est-ce pas, mon cher Roger ? Moi, pas du tout. Au contraire,